Objectif numérique, tout nouveau podcast portant sur la photographie. Tasse-toi de là, là. On parle de Mac, là, ici. Spin that wheel, DJ. Oh, yeah. Bonjour, bienvenue à un autre épisode du podcast de Mac Québec. Vous êtes chanceux en fait qu'on soit là. On a sacrifié un after party à Musique Plus où il y avait des femmes et de la bière en j'allais dire des femmes fontaines et de la bière en fontaine. Donc, nous nous sommes sacrifiés et on a même, en fait, comme on a dit, on manque le party. On s'est même dit, tiens, on va enlever quelqu'un et on a des invités avec nous. Donc, live en direct de la cuisine à JF avec nous, on a le technophile, ça va bien? Oui. Et en différé, en direct de Las Vegas où il prépare son nouveau show, on a Christian Jarry. Ça va bien, Christian? Bien, toi? Oui. Va falloir que tu nous expliques ton nom Twitter qui est assez ça. Comment ça se prononce d'abord? CygnaXYZ. CygnaXYZ. Tout simple que ça. Excellent. Hey, on est quand même 11 participants, considérant que je pensais que tous nos éditeurs étaient à Musique Plus ce soir. Je suis quand même pas mal impressionné. Mais il faut dire qu'on a dit que Christian et le technophile allaient être là. Ah oui, c'est sûr. Ouais, fait que ça allait amener les foules. Je vous présente en fait les gens qui sont avec nous ce soir. Ben, on a Jean-François, comme d'habitude. Bonsoir. Merci pour la cuisine. on a Vincent qui est encore dans le noir, en fait, qui est DJ Miller pour l'instant, qui va jouer les producers. Exactement. Tel Timbaland. Et on a Christian Jarry. Bonjour, Christian. Bonjour. Semble-t-il qu'on n'entend pas mon son, d'après ce que je peux voir sur le chat. Oh, écho réparti, écho de retour. Non. Il va falloir que tu parles dans le micro ici. Bon. Ben, approche-toi. Voilà. Pas de son pour Christian. Que se passe-t-il? Christian, le micro. Oui. Le micro dans le petit gear qui est à côté du speaker dans l'interface. Yes. Si tu cliques dessus, est-ce que tu peux voir peut-être une interface audio autre ou c'est tout built-in, toi? C'est USB. Oui. Est-ce que ça fonctionne en ce moment? Ouais. Son pour JF et tout. Oui, ça, on est au courant pour JF. C'est son micro qui est un micro hélicoïdal, mettons. Puis. Omnidirectionnel. Omnidirectionnel. Peut-être c'est mieux. J'aime ça. Hélicoïdal. Je trouve que. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Est-ce qu'on entend Christian? C'est pas bon signe. On ne répond pas dans le chat. Bref. Non, on n'entend pas Christian. Je pourrais prendre le son de Skype et le pousser dans mon micro. Puis ensuite, tout le monde ferme leur micro dans Speakcast, puis ça devrait régler le problème. Vas-y donc. Parce que moi, je vous entends. Hein. OK, laisse-moi deux petites minutes. Ben, est-ce qu'ils m'entendent? Ah, attendez. Moi? Attendez, ça risque de marcher mieux comme ça. Est-ce que vous m'entendez, là? Oh. C'est ça qui arrive du live avec des invités. Bon, ça y est. On entend Christian. Excellent. Puis est-ce que vous m'entendez dans la chatroom? On va laisser les gens répondre. Est-ce que Vincent, vous l'entendez, lui? Oui, est-ce que vous m'entendez? Personne. Non, on le voit pas non plus. En fait, on a présenté nos invités, Christian Jarry et le technophile. Et la raison pour laquelle on les a invités, c'est qu'ils font partie de la nouvelle famille de podcasters. Vous avez, en fait, technophile, t'es un blogueur depuis quand même un bon moment. Donc, tabarouette. Ah, OK. Premier blog, c'était genre un post là, à la Frank the Tank. Non. Oh. Nice. Ouais. Du papier. On me dit qu'on t'entend pas, technophile. Comment ça se fait? Pourtant, le son, il rentre. Ouais, moi, je l'entends pas non plus. J'ai fait l'intro pour rien tantôt. Ouais, c'est ça, on t'entendait pas en intro. Là, je pense qu'on vient de l'entendre, là. Allô, allô? Bon, là, ça va mieux. Ça va, tout le monde m'entend, bon. Alors voilà, ce que je disais, c'est que je blogue depuis 1999. On avait un petit magazine Internet parce que le mot blog n'était pas vraiment connu. Puis c'est ça, on avait 800 abonnés par email en plus de notre petit magazine. Là, on envoyait une newsletter à toutes les semaines. Cool. Donc, ouais. Là, j'ai eu fait une petite pause de 10 ans entre les deux, mais j'ai recommencé en février 2010 avec le Technophile. Je m'ennuyais trop de l'écriture, finalement. Cool. Le blog lui va bien, ça t'a permis d'aller, d'être invité aussi ailleurs. Oui, ça m'a ouvert des portes, c'est ça, là, j'écris maintenant pour Best Buy, ZTélé, j'écris pour Sympatico, Synchroblog, et puis pour le magazine Primeur, il y a une section techno dans le magazine Primeur qui est envoyée aux abonnés de Super Écran. Puis c'est ça, je fais ça pour le moment. Puis là, j'ai moins de temps pour mon blog à moi. Okay. Et on t'a... C'est pour ça que le son fonctionne. Si on le ferme, si on le rouvre. Pardon. C'est ou l'un ou l'autre qui fonctionne, mais pas les deux en même temps. Je pense. Ouais, c'est ça. Bon. Fait que quand tu veux prendre la parole, tu payes sur le micro. Non, toi, c'est le 2. Voilà. Donc, en fait, on t'a invité pour plugger un peu ton blog, mais parce que tu lances un nouveau podcast. Ça parle de quoi, le nouveau podcast? En fait, ça parle de photographie. Ça s'appelle Objectif numérique. Puis, on parle de photos, des appareils photos, des accessoires. On va donner des trucs, toutes sortes d'affaires comme ça. Puis on s'adresse vraiment aux débutants, jusqu'aux intermédiaires, parce que c'est sûr que les professionnels vont peut-être pas apprendre tant de choses que ça à notre blog, là, mais on s'adresse à un peu tout le monde. Puis ceux qui ont envie de discuter de photos, de nous poser des questions, des trucs comme ça, on va traiter de pas mal tous les sujets. Il y a donc un épisode fait pour l'instant. Fait qu'on ne peut pas appeler ça encore de la continuité, mais on sait que vous êtes des passionnés, que vous allez continuer. Et puis, on cherchait en fait l'angle qu'on pourrait t'amener parce que tu n'es pas un gars Apple. La seule chose que tu as d'Apple, c'est à peu près un iPhone. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a invité ton co-animateur qui, lui, est un fanatique de la pomme. Ça va bien, Christian? Oui, ça va bien. Oui, en effet, moi, je suis un fanatique de la pomme, comme tu dis si bien. Pas un fanatique cinglé, là, mais disons que je vous parle de mon Mac, justement. Puis, je pense, t'es technicien info, tu fais un peu la même chose que moi, mais mieux. Non, différent, disons. Plus que moi, c'est ça que je voulais dire. Et tu travailles malheureusement pour toi sur PC. Oui. Oui, oui. Nous autres, à la job, disons, c'est justement, c'est pas mal juste sur des PC qu'on travaille, sur des serveurs, etc., mais pas sur Mac, non. C'est justement, d'ailleurs, ce qui m'a poussé vers le Mac, parce qu'à un moment donné, on stand quand tu réinstalles ton Windows une fois par année parce que trop corrompu, trop décrypté, puis tu découvres c'est quoi la joie d'avoir un Mac, ben c'est ça. Disons que tu passes à d'autres choses. Pourquoi je m'entends double? Je sais pas, il est fermé, le micro. OK. Problème de son. Bon, ça va bien. Je sais pas pourquoi je m'entends double. Tu vois quelque chose, Vincent? J'ai pas touché à rien, mais la qualité, on dirait qu'elle a diminué de ta voix. Exact, c'est ça que j'allais dire. Moi aussi, ça a tombé de qualité. Attends. Non. Ça, c'est bon. Ça se peut-tu que c'est le micro qu'il y a là. Il n'y a plus de son. Non, ils nous entendent bien. Oui, mais c'est mon micro. C'est le micro du laptop qu'on entend, on dirait. Ouais. Mais comment ça se fait? M'entendez-vous dans le chat room? Oui. Je sais pas s'ils m'entendent. Tu l'entends par Skype? Ouais, je sais bien. Un problème de Mac. Tu peux bien être en Chine pour te protéger. Ah non, ils ont pas l'air de m'entendre. Là, ouais, ça doit être revenu. Excellent. Non, c'était un problème flash. Et c'est rigolo. C'est bien pire. Messieurs, est-ce que vous avez un iPad par hasard? C'est ça. Moi, j'ai pas d'iPad. J'ai un iPhone puis un iPod Nano. C'est les produits Apple que j'ai. Que tu utilises en monde. C'est très cool. Oui. Ouais, il va falloir qu'on se... On va se coller. Que tu utilises en monde, c'est très cool. Moi, j'ai acheté la Pebbles cette semaine. Est-ce que vous avez vu la Pebbles? Oui. Oui, définitivement, ça m'a intéressé. Bluetooth. Moi, j'ai acheté la 1, mais il y a la version 2 qui devrait sortir. C'est un projet Kickstarter. C'est une montre Bluetooth avec un petit écran e-ink. Et qui va en fait vibrer à chaque fois que tu reçois un téléphone, tout le kit. Fait que je sais pas si Apple va peut-être faire on va peut-être updater le iPod Nano pour faire quelque chose d'équivalent. Ça serait plutôt cool. Je vous demandais en fait pour le iPad parce qu'on a un concours à Mac Québec actuellement. C'est le concours Smart Cover qui finit le 30 avril. Je le mentionne parce que les gens nous ont demandé quand est-ce que le concours du mois finissait. Fait qu'on trouve que c'est une bonne idée comme donner la date de la fin du mois d'avril. C'est plutôt pratique. C'est ça. Vous avez simplement à aller sur le site de macquebec.com et là, il y a une section concours. C'est une petite banderole verte. Je sais que ça peut être difficile de se retrouver sur le site de Mac Québec en ce moment parce que c'est Kim qui s'en occupe. Puis Kim, étant une fille, elle veut toujours voir comment les meubles font, tu sais. Fait qu'elle déplace de site WordPress un peu comme ça. Tu sais, mêlée comme ça. On devrait regarder comme ça. Donc, le site est toujours comme chez elle. Elle change les meubles de place aussi chez elle. Donc, le concours Smart Cover, c'est en collaboration avec ePlanetPod, qui est fournisseur de joyeuses housses pour les iPods, iPhones, tout ça, que vous pourrez trouver, je pense, dans quelques endroits à travers le Québec, entre autres des dépanneurs Couche-Tard, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est un Smart Cover vert pomme. Ces concepts. Et vous devez répondre à une simple question. En fait, vous avez 5 photos et vous devez identifier c'est quoi les cinq Apple Store. Et il y a des gens qui se plantent pour le deuxième, mais si vous réécoutez l'épisode du début d'avril, donne la réponse. Fait que vous pouvez aller voir là. Ceux qui ont mal donné la réponse, on vous permet de réenvoyer un truc. On a, je pense, une quarantaine de participations à cette heure. Ce qui est quand même mieux que notre premier concours où il y a eu 2 participants. Fait qu'on monte tranquillement. Chance sur 2 de gagner, c'est bon quand même, par exemple? Oui, c'est ça. En fait, je dis ça, mais je ne l'aurais toujours pas renvoyé parce qu'il y avait exactement le même nombre de réponses. C'était comme ex aequo. Je ne l'aurais pas envoyé la question pour les départager. Encore, il faut que je fasse ça. Je suis occupé. Bref, donc participants en grand nombre. Et pour le mois prochain, on va avoir un cover qui nous est offert par Mario Gaucher. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est pour le mois de juin-juillet. Donc, on va avoir un cover qui va être qui est offert par Mario Gaucher, qui est un excellent participant au forum de Mac Québec et à Mac Québec Entraide. Et Mario Gaucher nous offre un Kensington Folio, qui est une housse en cuir avec un clavier Bluetooth intégré pour le iPad. Fait que c'est quand même très chouette. En effet. Christian et le technophile, peut-être qu'on a un truc qu'on fait au podcast qui s'appelle le coup d'os et le coup de dose. Donc, c'est un peu, en fait, un thumbs up et un thumbs down pour des événements. En fait, c'est une chronique qu'on a faite parce que on voulait se permettre de parler un petit peu d'autre chose que de technologie. Fait que s'il y a quelque chose cette semaine, tu sais, que tu fais thumbs up ou que tu fais non, ça c'est vraiment pourri, ça peut être dans le domaine de la techno ou dans d'autres choses, tu sais. Fait que toi, est-ce que tu as un coup de dose, Jeff? Ben, moi, mon coup de dose, c'est la vente de mon Mac, j'ai vendu mon Mac cette semaine, mon vieux. Fait que ma grosse fan. Hermétique qu'on entendait à chaque fois, là. Mais maintenant c'est fini. Fait que j'ai vendu ça. Puis mon coup de 12, ça me tenterait de revenir chez les étudiants, là, mais je pense que je vais. Commence pas, toi. ce sera pas, c'est pas un coup de 12 anyway, là, c'est un coup de matraque qu'ils ont eu je pense c'est à Gatineau aujourd'hui. Il y en a un qui s'est fait ouvrir la tête puis péter les chevilles. Là, fait que laisse-les faire avec le coup de 12. Là, moi, je vais faire un poivre de Cayenne. Pour ma part, ben, le coup d'os, ce serait la soirée qu'on a passée à M. Net, qui était vraiment cool, le 2000e de ce cher grand-papa Talbot. Il apprécierait, je suis sûr. Pendant l'émission, il y a Claude Rajotte qui est venu faire quelque chose avec qui il travaille depuis à peu près les débuts. Puis il dit ben maintenant, ils nous ont installé dans l'aile de gériatrique de Mutus avec moi, Denis et Mike Gauthier qui étaient là. Puis c'est. Tu sais, j'écoutais Musique Plus quand j'étais jeune, puis c'était un poste de jeune. Puis là, j'écoute moins Musique Plus, mais donc j'écoute. Que j'écoute, c'est plus Monsieur Net. Puis tout le monde, ou à peu près, que j'ai vu, tu sais, Reg, il a des cheveux gris, tu sais. Ouais. Fait que ça paraît. C'est du monde qui ont de l'expérience, mais en même temps, c'est du monde, tu sais, qui ont peut-être vieilli avec le monde de la station, bref. Puis le coup de tour, regarde, Lynn Beauchamp, là. Regarde, les étudiants, moi, je le donne à Lynn Beauchamp, puis c'est tout. Vous avez tout lu là-dessus, là, on n'en fera pas un cas. On veut faire un petit retour. Il y a eu une mise à jour cette semaine sur l'application MQ Mobile. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, elle n'est pas encore sortie. Ben, quand le podcast va être diffusé, là, il est live, mais quand elle va être sortie, elle va être acceptée. Oh, oui. Oh, certainement. Ah, oui, j'ai un petit kudos, moi, à proposer. Je suis allé mardi l'inauguration de l'exposition Star Wars Identité au Centre Montréal. C'est un coup d'ose. Okay. Oui, c'est vraiment une superbe exposition. Ben, je ne suis pas sûr qu'on ait le droit maintenant de prendre des photos, mais moi, je m'en suis donné à cœur joie. J'ai pris à peu près 150 photos le temps de faire le tour. Puis c'est vraiment une exposition superbe là, que je recommande. Puis ça passe. Ça m'a pris à peu près une heure, je dirais. J'ai pas calculé. Une heure et quart, mais je prenais des photos, sauf que je portais moins attention au contenu interactif parce que j'étais occupé à rencontrer des gens aussi, tout ça. Mais quelqu'un qui prend le temps, là, ça prend au moins, je dirais, une heure et quart. Puis les grands comme les petits vont y trouver leur compte. Ben, les très petits vont peut-être moins aimer ça parce qu'il y a l'histoire de la quête identitaire là-dedans là, qu'il faut comprendre. Le bracelet RFID, là. Mais je dirais à partir de 8 ans, là, 8-9 ans, là, les enfants commencent à comprendre un peu c'est quoi l'influence des amis, l'identité, ces choses-là. Puis c'est vraiment... C'est... Ben, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Non, c'est, dans l'exposition, c'est une statue, mais la journée de la conférence de presse, il était là avec Boba Fett, Darth Maul, tout le kit. T'es obligé que ce soit un coup d'os parce que tu le sais que gorge va serrer, c'est un coup de dose. Excellent. Oui, c'est une exposition que je me promets d'aller voir peut-être avec... je suis allé voir les dinosaures avec mon petit garçon de 2 ans et demi. Très mauvaise idée. Mon Dieu, ouais. Il était gros, les dinosaures. Puis il y avait comme un mélange de la fascination. Là. Il avait les yeux gros, mais en même temps, il regardait, c'était terrible, surtout quand il bougeait. J'aime ça. Je sais pas ce que ça va donner comme adolescent. Là. Il va se maquiller les yeux, il va se teindre les cheveux. Je vais l'amener voir Star Wars. Ça va probablement être une introduction pour après ça pousser les films tranquillement, pas vite. Bref. Excuse-moi, mon 2 ans et demi a déjà vu les 3 films originaux. Là. T'es en retard. Là. C'est vrai? Bon, ben, faut peut-être que j'essaye ça, mais je suis allé voir, je me base sur ma fille pour les films. Je suis allé voir Puss in Boots avec, puis 15 minutes après le début du film, elle voulait sortir, mais je pense que le son était trop fort. Ou la qualité de l'écran n'était pas assez bonne. Elle était habituée de regarder ça sur un écran de Mac, tu sais. Ça. Christian, est-ce que t'as compris le concept de coup d'os? Oui. Coup d'os, t'as une minute. Qu'est-ce que j'avais? J'avais une chose en tête. Ah, ben garde, je vais faire une plug, je vais me le donner nous-mêmes parce que ça fait assez longtemps que moi et Stéphane, on travaille sur notre podcast, dans le fond, que pour vous autres, c'est sorti cette semaine, mais pour nous autres, ça fait un bout qu'on travaille dessus, là. Fait que, mettons que c'est un projet qui continue, puis tout ça, on est assez content que ça soit cette semaine, que ça soit sorti, là. Pour ce qui est de mon coup de 12, ben. Que ça s'en venait, tout ça, fait que j'avais hâte, en fait, je gossais même le technophile assez souvent pour que. Ben, malheureusement, c'est entre autres à cause de moi si ça a été retardé à cause de mon accident que j'ai eu, fait que. D'accord. Fait que c'est pour ça que ça a été plus long que prévu. D'accord. Donc, coup de 12. Ton coup de 12, je suis parfaitement d'accord avec le tien. Même chose, j'ai rien d'autre à rajouter que celle-là. C'est parce qu'on a un gars qui a sa carte du Parti conservateur fédéral. Pas de commentaire. Donc, on va commencer les nouvelles cette semaine. On vous avait partagé les documents. Avez-vous gardé un petit peu les news ou trop occupé pour le technophile? Christian va pouvoir reprendre pour l'équipe. Là. Tu lui donneras le tag team. Avant de commencer les news, on vous rappelle le nom du podcast, c'est Objectif numérique à propos de la photographie. Ça va être bon pour les amateurs, en fait, les débutants, très comme moi, très, très débutants, et les intermédiaires même. Vous allez parler de lentilles, tout ça. Il va y avoir du stock là-dedans. C'est super intéressant parce qu'il n'y en a pas actuellement. C'est un podcast un peu comme, non pas le nôtre, il y en a d'autres, là, mais un podcast de niche là, à propos de ça. Fait que vraiment un excellent coup pour vous, les gars. J'ai une question vite de même. Allez-vous essayer les applications pour téléphone mobile comme Camera Plus, King Camera, puis celle que j'ai... Ouais, Snapseed et compagnie. Ouais, même Instagram, on va en parler éventuellement, mais on va faire un tour d'horizon parce que, bon, là, maintenant que Facebook a acheté Instagram, tout le monde en a entendu parler, mais il n'y a pas si longtemps, il y a des gens qui ne connaissaient pas ça. Fait que, on va faire le tour pas mal de tout. Puis, on va avoir des invités aussi à un moment donné qui vont venir nous parler un peu de justement qu'est-ce qu'ils font comme photo, eux. Ça ne sera pas nécessairement des professionnels, ça va être des passionnés de photos aussi. Ou juste des gens qui aiment ça, s'amuser, immortaliser des moments. Puis, Mais c'est une bonne idée, Jean-François, que tu as mentionné Caméra Plus, parce que moi, je suis un vendu Caméra Plus et Instagram accumule la poussière sur mon téléphone. Je ne l'utilise jamais. J'utilise que Caméra Plus. Moi, je l'utilise pour... il est en attente, en fait, que le 64 gigs de mon iPhone soit plein pour que je l'efface. Faire de la place. Voilà. Grosse semaine en nouvelles. On commence, en fait, une semaine après la mise à jour que Apple a poussée pour enrayer le malware de Flashback. Il y a encore 139 999. Ah, OK, ça a bien descendu. Ça a été, Mais je peux dire, moi, que j'ai vu mon premier virus sur Mac. Oui, à vie. Je suis allé chez un client à qui j'ai fait la mise à jour de tout le parc informatique. Et je lui avais dit, écoute, tu n'as pas le choix, je vais passer à travers tout. Il y avait une vingtaine d'ordinateurs. Et le dernier que j'ai fait, je le reboot après la mise à jour, puis quand ça revient, ça dit le virus ou le malware Flashback a été enlevé de votre système. J'étais comme, ah ben c'est cool, au moins je ne l'ai pas fait pour rien. Donc, tu voyais aujourd'hui que ça a descendu. J'ai hâte de voir si s'il va y avoir des nouvelles variantes, parce que c'est nouveau sur Apple, là, qu'on a beaucoup de virus, mais tu sais, ben, beaucoup, c'est le deuxième à peu près. Mais je veux dire, j'ai hâte de voir les variantes qui vont arriver. Il y en a eu une cette semaine, mais qui était... fallait que tu utilises Outlook pour ouvrir un lien vers une page qui utiliserait encore une faille Java pour injecter quelque chose dans ton système. Mais tu sais que tu utilises Outlook sur un Mac, c'est vraiment... c'est pas bizarre. Oui, effectivement, c'est un peu contre-intuitif. Là. Donc, tu sais, un virus, tu sais, que... ouais, tu peux pogner la grippe, mais tu sais, faut que tu ailles un coat d'hiver rose, puis que tu gars, puis que tu ailles des bottes de pluie mauve cette journée-là. Tu sais, fait que c'est un. c'est mettons, très, très improbable. Puis c'est ça, en fait, c'est le deuxième virus, ça s'appelle SAB-PUB, qui utilise une faille Java, puis qui passe à travers la suite bureautique de Office. Et que j'ai vu qu'il y a une nouvelle version qui s'en vient l'année prochaine, ou à la fin de l'année. De Office? Ils sont en train de travailler dessus? Ouais. Excellent. Espérons qu'ils décident d'être plus... de suivre plus les guidelines de Apple. Jonathan Hive a failli perdre sa job cette semaine, semble-t-il. On a entendu M. Stark, qui est un grand designer, dire dans une émission de télé, dans une interview, qu'il y avait un projet secret qui travaillait avec... je ne sais pas comment c'est sorti exactement, mais plus tard dans la semaine, là, parce que moi, je trouvais ça plutôt improbable que Stark travaille pour Apple, considérant que Jonathan Ive est là pour les designs industriels. Donc, on a appris un petit peu plus tard pendant la semaine qu'il avait été engagé par Steve Jobs pour designer son bateau. Fait que le gars a disparu avant le bateau. Avant le bateau. Ouais. C'était la centième du Titanic. Non, mais Steve Jobs est disparu avant son bateau, alors que les gens... Donc, c'est ça, c'était pour designer le bateau de Steve Jobs. Et en fait, Philip Stark continue le projet... avec la femme de Steve Jobs. Donc, est-ce que toi, tu vas venir faire la file avec nous pour le nouveau iBoat? Au vieux port de Montréal, on va aller faire la file contrôlée par iPad. Ça va être écœurant. En fait, on en a vu un cette semaine. Il y a un bateau qui a l'air tout à fait futuriste. Je l'ai retweeté. Le bateau, il est comme tout en chrome. Il est vraiment écœurant. Il y a une forme vraiment de base flottante de méchant de James Bond. Et il est contrôlable par un iPad. Je me souviens plus combien il coûte, tu sais. Mais tu arrives dans le pound au parc La Fontaine, tu déposes ça, puis tu regardes le kid à côté avec son petit voilier à télécommande de batterie 2A, puis tu fais comme. Ben, c'est pas dessus. Dans GoldenEye aussi, qui contrôle la BM avec le petit pad. Oui, avec son téléphone qui ouvre, puis il y a une espèce de pad en arrière. Ouais, mais c'était pas crédible, ça, c'était un téléphone Sony. Oh! Tutoriel ici. Non, c'est juste un. Oui, OK. En fait, il y a beaucoup de gens qui se demandent s'il y a des nouveaux ordinateurs Apple qui vont sortir bientôt. Moi, j'ai des clients qui m'appellent sans cesse. Est-ce que tu es sur le marché pour un nouveau laptop? Non, peut-être plus pour. Une tablette Windows 8 à l'automne. Oh! On peut pas prononcer ce mot-là ici. Tu sais qu'il y a un beep. Le producer va mettre un bruit. En fait, je pense qu'il va mettre un sac de François par-dessus ton mot Windows 8. Ouais, je pense que, Alexis, t'es pas obligé d'y passer le micro, tu sais. Étant le technophile, je dois tester les produits de toutes les plateformes possibles pour savoir de quoi je parle. Je suis pas vendu à personne, mais je ne nie pas aucune autre compagnie pareille. Non, mais le pire, c'est que honnêtement, sans blague, moi je l'ai essayé Windows 8. Ben, je l'ai essayé en VMware là, parce que ça ne me tentait pas vraiment de l'installer. Là. Mais pour un desktop, je le vois pas. Mais pour une tablette, ça pourrait être intéressant pour de vrai, sincèrement. Je pense que ça pourrait être une interface qui a de l'allure. L'interface métro, il y a un petit quelque chose là-dedans. Je n'y ai pas touché. J'aurais dû emprunter le téléphone à Ben de Geek pour essayer les Lumia. Oui, j'ai essayé le Lumia 800. Je l'ai eu 2 semaines, puis j'ai bien aimé. C'est une belle interface, de toute façon, métro là, pour les téléphones. Puis aussi, ce que moi je parle, ce qui va m'intéresser dans un... Ben là, je disais une tablette Windows 8, mais ça risque d'être plus un netbook avec écran tactile où je vais pouvoir switcher d'une interface à l'autre. T'as un Transformer, toi, en fait. Tu l'as déjà, le premier qu'ils ont sorti, je pense, c'est ça? Oui, exactement. J'ai le premier Transformer de Asus. C'est ça, la seule différence, c'est que je ne peux pas m'en servir à 100% comme un laptop parce qu'il me manque un logiciel ou deux qui, malheureusement, fonctionnent juste sur Windows. Puis là, c'est pour comptabilité, etc., pour la business. Donc, je suis comme un peu prisonnier de ça, mais éventuellement, avec une interface comme Metro sur un netbook, mais avec un écran tactile, idéalement un écran qui se détache aussi peut-être, puis tu sais, comme la Transformer, moi, je serais au paradis. Là, J'ai vu la tablette Transformer cette semaine. Elle est chouette. Ouais. Bref, en fait, moi, je parlais plus d'un renouvellement de la gamme de laptop Apple parce que Intel est en train d'envoyer, en fait, les secondes générations des interfaces Thunderbolt. Puis, un des points, moi, que j'ai retenu là-dedans, parce que, bon, évidemment, le taux de transfert est amélioré, tout ça, c'est que la nouvelle version va être en mesure de transporter 2,1 ampères d'électricité. Et qu'est-ce qui se recharge sur un Mac avec 2,1 ampères d'électricité? Un iPad. Donc, iPad qui est quand même une tablette. Christian, tu t'avais dit que tu n'en avais pas, toi, d'iPad. Hein? Moi, j'ai pas d'iPad, non. Pas encore. Je suis le seul. Un de mes problèmes sur l'iPad, c'est d'avoir... d'abord, je suis pas tant que ça un gros consommateur de films sur iTunes. Fait que si, mettons, je veux prendre des DVD, les transformer, c'est long. Puis les transférer sur le iPad, c'est long aussi. Donc, moi, je m'attends peut-être à ce qu'il y ait un iPad à interface Thunderbolt éventuellement qui sorte, justement parce qu'il y a du contenu comme ça qui pourrait être transféré très, très rapidement. Je vais être franc, moi, j'ai des doutes. Trois générations plus tard, peut-être des nouveaux portables ou des nouveaux iMac, parce que quand même, Thunderbolt n'est pas donné. Là. C'est comme, c'est pas encore donné le système, les filages, les disques durs, toute l'affaire-là. Fait que le monde n'est pas encore habitué. Fait que d'après moi, peut-être dans 2-3 générations de systèmes Apple ou PC là, qui ont un Thunderbolt, fait peut-être que le monde va plus s'habituer, mais pas présentement, je pense pas. Christian? Je suis d'accord avec GF. Moi, je doute fortement qu'on voie un iPad, iPod, iPhone avant 2-3 générations avec Thunderbolt. De toute façon, regarde, je veux dire, ils n'ont pas, à part pour le connecter... En tout cas, non, je vois pas ça. C'est pas le genre de Apple trop non plus. Si on avait les deux interfaces pour le connecter? Comme il y avait avec le vieux iPod, FireWire puis USB? Ça passait par le même connecteur 30 pins, mais je pense qu'un mini, à côté du connecteur 30 pins pour tous tes périphériques que tu as déjà, quoi que ça n'a jamais comme vraiment dérangé Apple de sortir un nouveau produit qui ne fonctionnait plus avec les anciens périphériques. Là. Ouais. Mettons que tu aurais les deux connecteurs, tu aurais un mini Thunderbolt à côté du connecteur 30 pins, mais je sais qu'Apple, surtout ces appareils-là, n'aiment pas faire de trous. Là. Mais il y a ça, puis sais-tu quoi l'autre raison pourquoi j'en doute? Parce que ça ouvre la porte à... Si tu rentres un connecteur comme ça, ça veut dire que tu pourras potentiellement plugger peut-être un disque dur, un écran, quelque chose, puis je suis pas convaincu qu'Apple est prête à ouvrir ce coin-là de marché. Si ce n'est que, même si eux autres le font pas eux-mêmes, un hacker, quelqu'un qui bidounerait avec ça pourrait peut-être potentiellement le faire, puis je suis pas sûr qu'ils sont prêts à ouvrir cette porte-là. Une fois que le jailbreak est fait, c'est vrai, tout pourrait rentrer là-dedans, effectivement. Peut-être, là, ça va peut-être venir, parce que comme tu dis, il y a un potentiel très intéressant avec ça, là, de pouvoir transférer tes films puis tout ça rapidement, mais je sais pas. Puis l'autre, une autre des rumeurs là, sur les ordinateurs, ce serait que le 15 pouces, en tout cas, Les ordinateurs seraient plus minces aussi. Là, qu'on... Ouais, les MacBook Pro qui veulent les faire comme les MacBook Air. C'est ce que moi, j'ai vu. Airified, là, qui dit ouais. Transformer en Air, un peu plus mince. Faut voir s'ils veulent garder pas mal de longueur de batterie. Il faut quand même qu'ils gardent une machine assez puissante aussi. Là. Les gens s'attendent à ce que le MacBook Pro soit capable de fournir. Ah, mais moi, je t'avoue que le MacBook Air m'impressionne pas mal, moi. Je l'ai essayé dans un... Moi, tu vois, moi pourquoi mon Mac, c'est travailler mes photos. Fait que le logiciel que j'utilise le plus, c'est Aperture sur Mac. Puis... Moi, j'ai un vieux Core Duo, c'est un MacBook 2007, fait que bon, c'est pour ce qu'il y a de plus performant, mais ça fait un job, tu sais. Puis, ce qui m'a impressionné le plus du MacBook Air, c'est que Aperture s'ouvre en moins d'une seconde, puis même sur le i7 MacBook Pro, ça prenait 2 à 3 secondes pour l'ouvrir. Oh. C'est le SSD qui fait toute la différence, j'en suis conscient, mais... Regarde, là, pour une petite machine de même, là, c'est surprenant comment c'est snappy, ça va vite, c'est très fonctionnel. très fonctionnel. On va en profiter, vu qu'on a le technophile. T'as-tu pu tester quelques Ultrabooks à date ou sur le marché? Oui. Qu'est-ce que ça donne, mettons? T'as-tu testé des Ultrabooks puis regardé qu'est-ce que ça donnait par rapport à un MacBook Air qui est comme l'espèce d'inspiration pour ces modèles? La référence. Oui, bien malheureusement, j'ai jamais vraiment utilisé un MacBook Air, mais j'ai pu essayer le HP Envy Spectre. Puis, c'est un scoop. J'ai même pas écrit mon article encore, là, mais c'est très performant comme machine. C'est vraiment. Ça dépend. SSD? Jepour aussi, oui. C'était. En tout cas, c'est une belle machine, disons, mais le prix est encore un peu élevé. C'était 13.3, je pense. En tout cas, entre 13.4 et 14 pouces, là. Mais c'est ça, le Spectre est un petit peu plus gros que les fameux netbooks. Il est plus épais, ou en tout cas, il était à la limite. Là. Ouais, ouais, ouais. Mais tu as le port Ethernet qu'il faut que tu descendes une petite coche là, parce qu'il n'aurait pas pu mettre un frame carré autour de la prise. Là. Fait que, en tout cas, c'était une machine assez intéressante, mais c'est ça, je peux pas comparer malheureusement avec un MacBook Air. On parle de quel prix quand tu disais un peu dispendieux? Excuse, j'avais pas mon écoute. On parle de quel prix quand tu dis un peu dispendieux? On parle d'au-dessus de 1 000 $, là, donc, c'est ça. Ben, les compagnies ont de la difficulté à aller chercher les composantes. Apple a vraiment raflé le marché. Mais tu sais, quand on dit ça, tu sais, des cartes mères pour ces appareils-là, il doit y avoir un nombre de productions. Apple en a un gros morceau. Il paye d'avance en plus pour s'assurer d'avoir les parts. Mais tu sais, toute la question de l'ordinateur est quand même faite. Il est en plastique, si je ne me trompe pas. Il n'est pas en métal. Non, il n'était pas en métal, là, mais c'est pas fait cheap. Là. C'était un appareil de qualité, sérieusement. Par contre. Non, il y a juste eux autres, à peu près, qui utilisent ça. À qui on n'a pas dit « Hey, du métal autour d'une antenne Wi-Fi, c'est moyen. » Moi qui m'a agacé, mais il y a peut-être des gens qui aiment ça, là. Mais la surface du PC quand il est fermé, c'est vraiment comme un écran tactile. Là. Tes doigts restent marqués à la grandeur, c'est noir. Là. Puis la minute que tu l'as touché, tu l'as manipulé un peu, tu as plein de traces de doigts partout. Fait que ça, moi, ça m'a agacé un peu. Mais bon, quelqu'un qui... ça dépend. Si tu le mets dans un étui, t'es pas obligé de le frotter tout le temps, mais il va peut-être falloir ça que tu te mettes une pellicule protectrice pour pas l'égratigner de toute façon ou quelque chose. Là, mais en tout cas, c'est des petits détails, mais des fois, ça fait la différence. C'est agaçant. Quand tu payes un prix à 1 000 $ et plus. Dans un autre ordre d'idée, cette semaine, Dean a dû avoir des sueurs froides. Lui, qui a deux ou trois actions d'Apple. En fait, les actions, en fait, il y a plusieurs indicateurs cette semaine qui ont montré que la crise qui touche tout le monde à travers la planète et qui touchait pas Apple jusqu'à maintenant trop, ben ça commence tranquillement à leur rentrer dedans. Donc, il y a un cabinet d'analystes qui a dégradé la note de Apple de buy à neutral, donc garder les actions, mais c'est pas nécessairement une action à acheter. L'action de Apple qui avait atteint, en fait, qui avait grandement dépassé le 600 $, elle a descendu à 5,90 cette semaine pendant environ une journée. Quand nous autres, on a regardé, elle était remontée à 609. Et au moment où on se parle, en fait, elle est à 587. Donc, elle a perdu aujourd'hui 3,44%. Ça va quand même en montant et en descendant. C'est sûr que sur du plus long terme, là, on va voir, ça risque de se stabiliser. Mais ce que j'entendais, moi, à la radio, c'est que les titres technologiques là, avaient pris un coup, mais globalement. Finalement, la progression du Mac aux États-Unis serait au ralenti. Mais c'est sûr qu'il y a du monde qui n'ont pas de job, qui ne travaille pas, puis qui rushent pour manger. Effectivement. Fait que c'est ça. On espère le mieux pour eux et qu'ils pourront bientôt racheter d'autres Mac. Non, c'est ça. Ils peuvent. Ils valent 600 milliards, mais ils ont 100 milliards dans leur poche. Ils peuvent se permettre d'en perdre un peu. Je pense qu'ils devraient être corrects. En fait, ils vont commencer à rappeler le monde. Hey, tu sais, l'argent, le dividende, là, la semaine passée, je t'ai donné. Peux-tu comme me renvoyer ça, s'il te plaît? En fait, commencer à donner des dividendes, c'est supposé pousser vers le haut l'action. C'est supposé augmenter la confiance des acheteurs. Ben, je pense qu'ils ont commencé tranquillement. C'est vrai? Possible. On avait une news il y a une couple de semaines qui disait que Microsoft avait commencé à se planter la journée où il avait commencé à donner des dividendes en 2004. Fait que voilà. En fait, parlant de la technologie Thunderbolt, on a toujours dit en fait que ça prenait du temps à embarquer. C'est sûr que bon, sur des PC, est-ce que tu en as vu, toi, du Thunderbolt, ça devrait normalement arriver. Je pense. Peut-être qu'Apple a eu une exclusivité pendant un bout de temps, hein, à cause il faisait partie du truc de fabrication, mais on a vu quand même des compagnies qui ont dit qu'elle allait embarquer, entre autres Asus, je pense qu'il va en avoir, Acer, si je ne me trompe pas. Et cette semaine, une très bonne compagnie de disques durs, en fait, a annoncé ses boîtiers RAID Thunderbolt. Donc, c'est G-Tech qui fait les G-Drive. Et ils ont sorti, en fait, des boîtiers double disque en RAID, donc du RAID 0, du RAID 1, en 4, 6 et 8 terabytes. Là, j'étais comme... 8 terabytes, il me semble que le plus gros disque dur est de 3. Puis non, Hitachi a sorti des 4 terabytes il n'y a pas trop longtemps. Donc, 4, 6 et 8 terabytes pour 700, 850 et 1000 $. Ben, 1000 $, oui. De disque dur? Ouais. Quoi? Ouais. Pour un 8 tera? Oh ouais, c'est 1000 $. Ouais, mais dans mon temps, là... Ouais. 1000 $, tu avais peut-être un gig à 1000 $. Puis moi j'ai monté deux boîtiers des QNAP, des boîtiers RAID, mais 4 disques. J'en ai monté un avant en Thaïlande. Il m'avait coûté 900 $ pour 8 Tera, mais c'était 4 disques de 2 Tera. Et après le float, j'ai cherché partout pour des disques durs pas trop chers, puis j'ai réussi à faire le même boîtier pour à peu près 1200, 1300 $. Donc, en fait, c'est quand même pas si pire, 1000 $ pour 8 Tera. Donc, puis ça risque, tu sais, ça va être rapide. Tu vas pouvoir le remplir, ton 8 Tera. Ouais. 8 Tera, mais ça. Ouais. Plein de versions d'Ubuntu que tu vas pouvoir télécharger 1080p que tu vas pouvoir installer là-dessus. Dans un autre ordre d'idée, mais en parlant d'une compagnie commençant par la lettre G aussi, parce que j'essaie de faire des liens entre les news, Google qui annoncerait, en fait, puis je ne sais pas, peut-être que quand vous aurez le podcast dans vos oreilles, ce sera déjà sorti, mais qui annoncerait le G-Drive, qui offrirait 5 gigs d'espace et qui serait disponible la semaine prochaine pour Mac, Windows et Linux. Peut-être que le technophile, tu as quelques news à propos de ça ou tu n'as pas vu ça passer? J'ai pas de scoop là-dessus. Larry n'appelle pas pour te dire « Yo, le technophile, parle de... » moi, ce que je me demandais, c'est... bon, c'est sûr que quand ils font des trucs comme ça, la référence en ce moment, surtout du côté Mac, je pense, puis du côté PC, je pense que c'est plus SkyDrive ou, qui est utilisé, mais du côté Mac, c'est Dropbox là, qui est vraiment la référence, PC aussi. Toutes les compagnies, en fait, comme la référence, c'est Dropbox, ben c'est... Après cette compagnie-là qui court. Donc, c'est sûr que le G-Drive est intéressant parce que ça va être connecté avec, bon, tu sais, que ce soit Google+, que ce soit Gmail. Exactement. Mais est-ce qu'il va y avoir une application qui va faire de la synchronisation comme Dropbox? Moi, j'ai l'impression là, que ça ne sera pas 5 gigs que Google va donner. Ça va être plus que ça pour concurrencer avec SkyDrive, justement, de Microsoft, qui en donne 25. Je ne sais pas, je peux me planter. Mais d'après moi, ça va être au moins 10, puis peut-être jusqu'à 20 ou 25. Là. Parce que de toute façon, dans nos comptes Gmail, on a déjà 7 ou 8 gigs juste pour des emails. Là. Fait qu'imagine si tu as un service qui t'offre un peu d'espace de stockage, mais là, il va avoir évidemment une option d'augmenter pour en avoir plus, là, mais tu vas peut-être passer de 10 à 50 là, quand tu vas vouloir payer. Mais d'après moi, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Puis. C'est 7.7 gigs. 7.7 gigs en ce moment pour Gmail, c'est ça. Mais Considérant que c'est pour tes emails, s'ils font un drive, s'ils vont à moins que ça, t'as bien raison. Hein? J'avoue effectivement que ce serait plus intéressant de ce côté-là. On peut aller faire certaines missions, le tweeter, le ci, le ça, inviter des amis. T'es à combien de. Tu sais-tu? Oh, j'ai peut-être 3, 3,5. Là. J'ai peut-être eu 5, 6 recommandations. Ouais. Toi, t'es rendu à combien? 4,9. J'étais à 16 gigs, yo! Chpow! Maximum, ça? Je suis 15,9 gigs de Dropbox. Il y a, ben en fait, ils ont toutes les références que tu as données cette semaine ou la semaine passée, ils ont augmenté toutes les références que tu avais faites. Ils t'ont redonné un autre 250 pour. Ils ont fait une bêta il n'y a pas longtemps pour l'upload de photos. Ça fonctionne encore, on peut encore aller chercher. Il y a un 5 gigs à aller chercher si tu vas chercher la bêta et que tu commences à uploader des photos avec la bêta. Donc, ça, c'est assez cool. Fait que je suis rendu à 16 gigs. 4 gigs? Oh! 4 gigs. Toi, Christian? Dropbox, faudrait que j'aille voir. Je ne sais même pas comment que j'ai. Ah. Honnêtement, moi, je n'ai pas vraiment de place Internet parce que j'ai... La seule utilité que j'aurais, ça serait pour mes photos. Mais juste ma librairie Aperture est 125 gigs. Fait que. Tu sais, celles qui sont floues, tu peux y jeter, hein? Il n'y en a pas. Elles sont déjà jetées. C'est ça, c'est parce que quand tu fais de la photo, comme Christian et moi, tu as des fichiers RAW. Puis chaque photo prend à peu près 20-21 MB. Puis là, tu la développes. Puis là, tu l'envoies en JPEG, mais elle te prend 6 à 8 MB encore, des fois plus. Ah, t'es mis en JPEG, toi? Oui. Après avoir travaillé dans Lightroom, j'ai transféré. Pas moi. Ah, mais c'est parce que moi, je fais des slideshows chez nous dans mon salon. Oh, c'est intéressant. Je viens d'entendre quelque chose. Christian, depuis le début de l'émission, nous parle de Aperture, alors que toi, t'es Lightroom. C'est normal parce que t'es sur PC. Mais tiens, un sujet pour votre podcast, Lightroom versus Aperture. C'est sûr. J'aimerais bien entendre parler de ça. C'est sûr. Moi, j'ai essayé les deux, puis c'est pas pour rien que j'ai pris Aperture. Bonne raison en plus d'inviter comme un podcaster de Mac ou quoi que ce soit. C'est bon ça. Ouais, faire un peu son têteux. J'aime ça aller dans d'autres podcasts, c'est le fun. Mais tu parlais tantôt de Raid et compagnie. Là. Moi, j'ai un serveur de fichiers, un NAS chez nous de 2 TB. Puis là, c'est ça, j'ai à peu près ça, 125 gigs de photos moi aussi. Là, tu rajoutes les MP3, les vidéos. Le NAS de 2 TB, il est presque... Fait que, ça va vite. Fait qu'à 8 Tera, là, ça commence à être intéressant. Là, parce qu'avant, tu te disais, ben, 2 Tera, je remplirai jamais ça. Mais je suis rendu là. Ouais, c'est ça. C'est surtout ces bibliothèques-là qui finissent par prendre de la place. Puis que tout le monde multiplie. Juste la bibliothèque qui prend de la place. Ouais. Hey, moi, elle me prend 150 gigs, je pense. Quand j'ai 175 gigs à peu près. Tu ne l'as pas envoyé dans iTunes in the Cloud? Bon. Ah, OK. Oui, d'ailleurs, avec... Ça prend combien de place, le vidéo, mettons, 30 secondes? Ben, on a filmé au salon de la Coops, là. Tu sais, moi, c'est un 64 gigs, mon téléphone. À un moment donné, Vincent, il fait « Dude, on n'a plus d'espace. » Je dis « Ah, prends l'iPad. » Il y a 16 gigs dans l'iPad. Il était plein d'applications. Il a fait comme 5 minutes, là. Fait que c'est ça. On va y aller rapidement, en fait, pour les deux dernières nouvelles, parce que il y a les gens du... le technophile, il faut qu'il nous laisse. Christian, si tu veux éventuellement rester avec nous pour les amateurs de Mac, bonsoir, t'es le bienvenu. Je vais être obligé de vous quitter, malheureusement. Pas de problème. Fait qu'on va faire ça à la dure, moi, Vincent et JF. Vous savez comment j'aime les patents que Apple... les brevets que Apple demande, mais pas juste comme, moi j'ai un brevet 3G, là, bizarre, mais Apple sort des brevets, puis c'est comme pour des produits, tu fais comme, OK, ils sont en train d'essayer de voir s'ils peuvent aller vers cette avenue-là. Et en fait, le brevet, c'était des produits emballés dans des trucs transparents, et Apple essayait de les charger à distance pour que le produit se présente lui-même. Fait que t'as un bel écran, puis le produit, ben, il aurait mis des démos dessus, mais ces démos-là auraient roulé parce qu'il aurait été rechargé à distance sans avoir besoin d'un fil. Fait que c'est un petit brevet que iPhone in Canada lumia.ca nous a trouvé. Fait que ça serait de l'énergie RF, en fait. Ah, OK. Tu sais, vu qu'ils sont proches d'une plaque ou quelque chose comme ça, ils pourraient se recharger. Puis il n'y a personne qui pourrait se suicider ou quoi que ce soit. Mais tu touches au... reste ça à la tête. Là, c'est quand... Ça veut dire que tu arriverais dans un Apple Store ou une autre boutique, puis tu pourrais acheter ton téléphone déjà chargé complètement. Oui. Hein, ça serait... Au lieu de l'ouvrir, je ne peux pas m'en servir trop, il faut que j'aille chez nous le recharger. Dès qu'il le reçoit, dans des petits trucs, mettons, je pense que c'est FedEx. Dès qu'il reçoit, le téléphone recharge au complet, tu l'achètes la première journée pour le 100%. C'est vrai, mais si tu l'achètes la cinquième journée, ça veut dire qu'il s'est rechargé à peu près 8 fois, puis que tu as déjà commencé à manger tes cycles de batterie. Ouais. Ça, c'est l'autre partie. Puis finalement, une petite nouvelle aussi qui est sortie, en fait. Je ne sais pas qu'est-ce que ça dénote chez Apple, mais c'est le en fait, pour faciliter le passage à iCloud, je ne sais pas si c'est parce qu'Apple trouve qu'ils n'ont pas assez de gens sur iCloud ou s'ils ont trop de demandes à propos... c'est 15 millions, là? OK. Parce que pour avoir iCloud sur tous ces appareils, évidemment, il faut passer au système Lion. Puis on n'est pas nécessairement super gros des fans de Lion parce que toutes les nouveautés qu'Apple a proposées là-dedans, on les utilise pas vraiment. Moi, je reste avec le défilement inversé. Mais sinon, au Launchpad, je l'ouvre parce que c'est beau une fois de temps en temps. C'est ça. Mais Apple, pour faciliter le passage donc à iCloud, il pousserait Snow Leopard à certains utilisateurs pour qu'après ça, en fait, il donnerait gratuit à des utilisateurs probablement qui appelleraient pour poser des questions. Mais il n'y a pas tant que ça d'ordinateurs qui n'ont pas Snow Leopard, donc tu sais à qui donner le CD, mais tu sais les machines qui seraient capables de supporter et Snow Leopard et Lion, qui en ce moment serait en 10.5. Fait que je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça dénote, mais c'est probablement pour régler un problème. Oui, ben retrait de la version d'Aperture, Christian. Ben, moi, je trouve ça vraiment dommage parce que, bon, c'est quand même un logiciel qui est relativement assez cher. C'est quoi? C'est 175, 180 $ à peu près. Bon, il y en a qui vont me dire que c'est pas si cher que ça. Moi, personnellement, je trouve ça cher. Là, c'est pas donné. Surtout considérant que Lightroom, il n'y a pas longtemps, il y avait une version qui était quand même pas très chère qui ont passé pour la nouvelle version. Moi, je ne l'ai pas passée, là, mais il y avait une version... Je ne sais plus trop, je pense que c'est 100$ pour faire l'upgrade ou quelque chose dans ce style-là, en tout cas. Vraiment pas cher. Irait en fait la version boîte des tablettes, parce que Aperture est disponible à 80$ sur le Mac App Store. Non. Sur le site, tu allais sur, mettons, apple.com/aperture. Ouais. Sur le site, tu avais try-out. OK. Tu pouvais télécharger. Ah, OK. Le fichier complet. Mais il faut dire que ce fichier-là, c'est une version complète. Fait que tu l'installais, tu fouillais un peu, là. Tu pouvais te la débloquer. Tu sais, tu veux te la débloquer en 30 secondes, là. Fait que maintenant, avec ça, tu peux plus, là. À moins que tu fouilles. Ouais. Mais bon. C'est pour ça, donc, qu'il aurait enlevé les versions de iWork et les versions d'essai d'Aperture. C'est vrai, hein? Il n'y a pas grand-chose qui a été rajouté à ces logiciels-là. À part le iCloud, là. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de demande de nouveaux features depuis que Steve n'est plus là. Peut-être pour ça. Et, tel effet pour, tu sais, là, je ne veux plus dire boom, je veux dire flock of flock, je ne sais pas quoi. Puis, c'était quoi, tu voulais nous parler aussi d'un clavier Logitech? Ouais, moi, j'ai dit que je n'ai pas d'iPad, mais éventuellement, je n'irais pas sans avoir un. Moi, j'ai essayé la Asus Transformer, que j'ai quand même bien aimé, mais bon... Personnellement, le problème majeur du Asus Transformer, c'est Android. Pas que c'est un mauvais OS, mais moi, je suis vraiment habitué avec iOS, qui, malgré ses forces, malgré ses faiblesses, je préfère et je trouve que c'est un OS qui est plus adapté. Particulièrement, c'est triste à dire, mais j'ai eu de la misère à trouver genre le navigateur sur le Asus Transformer. C'est con, là, ça a l'air ridicule, mais j'ai gossé avec puis j'ai eu de la misère à le trouver, tu sais. Je trouvais que c'était mal organisé. C'est peut-être de la faute à Stéphane, remarque. Là. Il organise mal ses affaires. Fais attention parce que t'as monsieur Dean Lubaki qui vient d'arriver dans le chat. Fait que. Parle pas trop contre Android. Tu risques de faire. De partir. Non, mais je dis pas que c'est mauvais Android. Moi, c'est très bon, mais moi, je préfère iOS, personnellement. Je sais pas, moi, j'ai préféré comment que ça fonctionne. Essayez ma tablette, puis moi, ma tablette, j'ai mis un maximum d'icônes sur un écran parce que contrairement au iPad, t'as pas juste 4 icônes par 5. Là. Moi, j'en ai. Ouais, ouais. Aujourd'hui, j'en ai 38. Dans oui, mais ça, c'est en plus d'un widget pour l'heure et la météo, d'un widget pour faire jouer ma musique. Tu pourrais mettre probablement 48 icônes faciles dans un écran. Ouais, c'est ça. C'est peut-être juste moi. Là. Moi, j'ai trouvé que c'était peut-être pas organisé, mais c'est peut-être optimisé pour ce que toi, tu veux faire. Oui, ouais, c'est ça. Mais ben, moi, c'est parce que je les ai rajoutés au fil du temps. Ça fait presque un an déjà que je l'ai, ma tablette. Mm. Moi, je sais où j'ai mis mes icônes, puis quand je l'allume, je ne cherche pas mon application, mais évidemment, je pourrais me faire peut-être 3 écrans, puis un, c'est pour le travail, un, c'est pour les jeux, puis l'autre, c'est pour telle affaire. Un peu comme sur l'iPhone, tu sais, tu as 16 icônes par ouais. écran, fait que tu ne cherches pas longtemps. Mais si tu avais un écran plus grand, si l'iPad le permettait, les gens, ils se ramasseraient avec plus d'icônes, puis ça serait la même affaire. Ah, oh, il n'y a pas de doute. Oui, ouais, ils sont très espacés. Là. Moi, j'ai une question. On dit souvent en fait que le système de Apple est très fermé puis blablabla. Et comme sur le Apple Store, c'est un magasin considéré comme familial par Apple. Il n'y a jamais eu d'application pornographique. À un moment donné, ça a comme tout été enlevé. Est-ce que ça, il y en a beaucoup sur le Apple Store, pas sur le Apple Store, mais sur le Google Play? Parce que ça expliquerait pourquoi Dean a changé Android. Honnêtement, je pourrais même pas te répondre parce que j'ai jamais vraiment cherché pour ça. Mais je sais pas du tout. Mais d'après moi, il y a un genre de filtrage qui se fait sur les applications dans Google Play parce que Google en retire pour pas qu'il y ait de malware, des trucs comme ça. Là. Mais je pourrais pas te dire les trucs osés. Là. Mais sur iPhone ou iOS, tu en as encore des trucs, je parle de photos de filles en bikini puis de Kamasutra. Mais... sexy bonbon. Là. Tu sais, c'est passable là, moralement, mais reste que c'est suggestif un peu. Il y a boobstagram.tumblr. C'est pire que moi. Non, mais attends, le pire, tu sais, en tout cas, pour le Hot Chicks of Wax, c'était moi qui prenais les photos. Ouais. Pour le Boobstagram, c'est des filles qui prennent des photos de leur. De leur Grand Canyon. Hein? Bonne cause. Ah. Il y avait. Ouais, c'était pour. Technophile nous explique que c'était pour une bonne cause. Il y avait cette vieille. Une publicité. C'était deux jeunes garçons qui étaient comme écoutez, mesdames, nana, c'est super important. Vous avez besoin d'un professionnel. Nous sommes là. Vous pouvez nous appeler. On va comme. Faire le test, genre le palpage, tout ça. C'était vraiment très drôle, la publicité. Le clavier Logitech, tu m'as... Oui, ben c'est ça. Ben, bref, pour en venir à ce que je disais, par contre, il y a quelque chose qui m'a séduit du clavier du Asus Transformer, c'est dans le fond, c'est le clavier, tu rentres l'écran dedans, tout ça. Je trouve que pour travailler, c'est bien parce que franchement, taper sur un iPad, c'est pas génial. Moi, j'aime pas ça personnellement. J'aime pas ne pas avoir le feeling du clavier. Puis oui, il y en a qui se vendent des claviers. J'en ai vu, tu sais, pour le Mac, tout ça. Mais je trouve que celui que Logitech a fait, qui ont sorti cette semaine, les premières photos, tout ça, est très élégant. Ça fait comme un couvercle que tu peux refermer par-dessus. Mais ce qui est le fun aussi, c'est quand tu le déposes sur une table ou tout ça, tu peux mettre aussi ton iPad dessus, puis ça fait un peu comme le Asus Transformer jusqu'à un certain point. Je trouve que c'est super élégant, c'est vraiment un beau produit, franchement. Ils ont fait une belle job là-dessus de Logitech. C'est vrai que ça a l'air de bien le protéger. C'est celui que Bernard a acheté, tu sais, qu'il nous avait montré quand on a été souper. C'est celui de Zag, et je pense que celui de Zag est fabriqué par Logitech ou le contraire. Okay. J'ai un ami, en fait, qui se tient bien au courant de ça, là. Jonathan Moreau saurait nous le dire, mais ou peut-être... Je pense que celui que Christian nous présente là celui de Logitech, là, ils viennent de le faire, mais avant, ils en vendaient un qui était produit par Zag, si je ne me trompe pas, et c'était celui que Bernard avait. Bernard, là, il est très beau, là, puis la je l'ai essayé, là, il est super, là, c'est merveilleux. Là. Mais celui-là, il protège toute la coque, c'est ça qui est pas mal le fun. Ben écoutez, merci beaucoup, messieurs, d'être venus faire le podcast avec nous. C'est très apprécié. On reçoit pas beaucoup de visites parce qu'habituellement, on a toujours des problèmes techniques. Mais là, avec la nouvelle plateforme Spreecast, c'est moins tough. On a commencé un petit peu en retard, mais quand même, ça a bien passé. Et on est très contents aussi des 15 participants qui ont été en ligne et qui n'étaient pas tous à Monsieur Net ce soir parce qu'il y avait du geek au pied carré. Il y avait des podcasteurs. Oui, ça doit. Oui. Ce que je disais toute la semaine, c'est ça va avoir l'air d'un cirque de Rome, cette affaire-là, parce que, mais avec les animaux dans les arènes, c'est-à-dire que tout le monde qui voudrait une job de chroniqueur à Monsieur Net vont être comme autour en train de regarder le show, tu sais, puis avec tout le monde, en fait, qui est là au milieu. Donc, messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les intertubes? Bon, ben vas-y, Christian, à toi l'honneur. Ah, ben merci. Ben comme on disait, c'est le nom étrange SignaXYZ sur Twitter. Sinon, vous pouvez me trouver sur Google+. Il m'arrive à l'occasion, très rarement, de poster des affaires, mais vu l'arrivée de notre podcast Objectif Numérique, je me suis dit que je vais commencer à poster un peu plus souvent sur Google+, justement parce que, bon, c'est une très, très bonne plateforme pour les photographes en particulier. Si vous ne connaissez pas pour ça, là... Google+, c'est très bon. Sinon, Objectif Numérique, là, comme on a déjà spécifié, puis j'ai mon blog aussi, cjarryphoto.com/blog. C'est pas mal ça, là. C'est pas mal les façons les plus faciles de me retrouver. Parfait. Moi, c'est ça, on peut me retrouver sur mon blog, letechnophile.net, sur Twitter, letechnophile. J'ai aussi une page Facebook, letechnophile. Même chose sur Google+. Et oui, il y a beaucoup de photographes sur Google+, ou de gens, en tout cas, qui publient des photos, parce qu'on dirait que le site se prête plus à ça, la visionneuse aussi. Puis là, en plus, ils ont tout revampé le site la semaine passée. Là, c'est vraiment beau. Beaucoup mieux. C'est ça. Puis pour... OK. Fait que c'est ça. Pour notre podcast, évidemment, le site, c'est objectifnumérique.com. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, c'est onumérique. Donc, objectif numérique rentrait pas. On a mis O. Et puis. Et on poste les deux sur le compte. On prend les deux le compte, oui. Excellent. Merci beaucoup de l'invitation en passant. Ça fait. Merci beaucoup, en effet. Mettre la main sur vous en premier parce que, connaissant le technophile, je savais que le podcast, en fait, j'ai grand confiance au podcast. Vous faites votre podcast quoi, aux deux semaines, aux semaines, demain? Ben, pour le moment, je dirais c'est une fois par mois. On va essayer d'augmenter ça, peut-être une fois aux deux semaines. On va voir, il va peut-être avoir un épisode plus court entre les deux épisodes principaux, là, si on veut. On regarde ça tranquillement, mais... Ça devrait être au mois, là, quelque chose comme ça. Ouais. Okay. On négocie. Ouais, c'est ça. Il y a, t'as une famille, toi, Christian? Trois enfants. Voilà. Excellent. Jean-François, est-ce qu'on peut te retrouver sur les internets de ce temps-ci? On peut me retrouver sur Twitter, à JFroy1979, en train de tweeter qu'on est sur on est à Monsieur Net, moi puis Alexis. C'est comme... Il est tellement... Pub. T'as tellement fait de pubs cette semaine. Parce qu'on avait l'impression. J'étais là, voyons, c'est pas nous autres les têtes d'affiche, on est juste spectateurs. À chaque fois que quelqu'un disait Monsieur Net, il levait la main et disait hey, on va être là. Fait que c'était très drôle. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur Twitter au Alex Cornelier. Vous pouvez éventuellement me retrouver aussi sur le site de Mac Québec où j'offre mes services. Et pour DJ Mr. Miller, vous pouvez le retrouver en fait au @DEVVMiller. Vous pouvez le retrouver aussi sur son site vincentmiller.com. Vous pouvez aussi aller sur le alexcornelier.com si vous voulez, mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant. Il va éventuellement avoir un très beau site fait par Vincent, justement, avec du texte que je suis en train de travailler dessus. Là, ouais. Ben, tu sais, je le fais. Je me dis, tiens, tant qu'à faire, je vais le faire avec Siri, tu sais. Puis il écrit pas ce que je veux. Fait que c'est pour ça que c'est long un petit peu. Des excuses. Oui, effectivement, c'est des excuses. Voilà, et pour ce qui est de ceux qui se demanderaient où est Bernard, eh bien, il est allé se ressourcer en Europe pendant 2 mois, le chanceux. Donc, il va voir, peut-être qu'il va revenir comme John Lennon, puis qu'il va être complètement ailleurs, peut-être qu'il va revenir au podcast, ou peut-être pas, on va voir. On lui souhaite bon voyage. Vous pouvez aussi, je ne sais pas si c'est terminé, aller voter pour Kim Auclair pour le concours. C'est fini? T'as gagné, j'espère? C'est pas fini? Bon, fait qu'on peut encore aller voter. Bon, fait que les 16 participants, allez voter pour Kim sur le site jeuneentrepreneur.com. Elle saura vous le dire dans le chat. Sinon, nous, on va prendre une petite pause et tout de suite. Dans quelques instants ou si vous l'avez téléchargé, vous pouvez switcher aux amateurs de Mac Bonsoir où on a quelques questions, j'espère. On devrait en trouver d'ici là. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, bonne semaine, messieurs. Merci encore à Christian Jarry et aux technophiles pour du podcast Objectif Numérique pour leur visite. C'était très cool. Merci à vous. Voilà. Bye. À la prochaine.